Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence. Ce soir, rarement dans Nuisance, on a des annonces à faire et ce soir, oui, il y en a une. Il y en a même deux. Pour commencer, le 28 avril 2013, donc dimanche soir à partir de 20h30 à la pizzeria Belfort, vous pourrez visionner 4 films de l'anonyme, un vidéaste toulousain. Et puis, le 1er mai, la fête du travail, l'anonyme, donc ce même vidéaste toulousain, fête son travail à Terre Blanque, sur la D12, entre Seyss et Senlis, à partir de 16h. Et ce, jusqu'à l'aube. L'entendre qui frappe sur la table. Ah, ça s'entend ? Non, plus maintenant. Donc sur Canal Sud, la radio de l'enfer ou la radio du paradis, à vous de choisir. En tout cas, c'est pas ici que vous trouverez l'enfer ou le paradis, vous trouverez que de la merde. Donc la merde, c'est pour vous ce soir, vive la merde. La merde, c'est ce qu'on veut, t'sais. On veut du fion, on veut de l'anus. Baisez-nous le cul, t'sais. Nuisance, vous encule. Nuisance, vous encule. Je souhaite n'avoir choqué personne en parlant de sodomite ou de sodomie. Nous verrons à ce que la personne qui a parlé de sodomie tantôt soit flagellée et dilapidée dans son compte en banque. Ménopause pipi maintenant, ménopause pipi. Carrément, on va se travailler sur le stop zizi. Je travaille mon fion avec mon anus doré. Un anus doré de fion, je fionte. Que j'aime quand les gens me regardent de travers, car j'ai toujours l'impression qu'ils regardent mes fesses. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la musique classique. Parce que je m'encule dessus. Et moi, je serai jamais has-been. Parce que has-been, pour être has-been, il faut avoir été. Et moi, j'ai jamais été, personnellement. Moi non plus. Voilà. Quand t'as jamais été, tu peux pas être un has-been. Fuck les beans. J'encule Mr. Bean dans le cul, dans le cul. Je fionte sur Mr. Bean et la princesse Diana, qui est morte. Je vous le rappelle. quitte à ne pas oublier, autant fionter sur le président de la République française de 1952 à nos jours. Fiontons ensemble, mes frères et sœurs français, car la France, c'est un verbe, la France. La France. Comme je trouve fait. C'est ça, c'est la France, la France, la France. Putain, on n'entend rien, là, c'est la merde. On veut parler sérieusement et on peut pas, tu sais. Comme je disais, j'avais envie de fionter ce soir, pour vous ce soir, dans nuisance. Le fion toujours. Sérieusement, tire. Et je roulais ma cigarette sur le bord du trottoir d'en face. Et j'avais envie de faire une passe. Je ne suis pas mécontent d'apparaître démembré, oxy, tanné. Courir dans les prés, gazouillir. Gazouillir al capella. Comme je l'ai dit, je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Ici Radio Free Europe. Nos émissions. Ici Radio Free Europe. Nos émissions. Tango Zulu Charlie. Tango Zulu Charlie. J'écoute. Roger est là. Roger Federer est là. La voix de l'Empire vous parle. La voix de l'Empire vous parle. Et c'est à ce moment-là que le mec il me dit mais moi je te baisse dans le fion. Moi je lui dis mais je sais pas parce que tu sais je suis un peu frigide alors j'ai pas trop envie tu sais parce que la dernière fois c'était pas génial alors je me suis dit que j'aurais fait. Consommation d'intérêt partagé multiple encouragé. Où l'on apprendra ce qu'on ira. Où l'on apprendra ce qu'on lira. Ding ding boom boom boom boom ding ding boom boom. just, you don't go on like this. You don't go on like this, never stopping, never ending. You gotta stop one day. Faut bien que ça cesse un jour. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens s'éveillent. La révolution, c'est aujourd'hui. La révolution, c'est nous. Nous sommes le futur, l'avenir de ce pays. La nation française a besoin de ses antécédents. Qui a le casier de la nation française? Je veux le voir. La nation française, c'est moi, c'est toi, c'est nous. On va tous se faire foutre. Je m'encule. Tellement j'aime pas ma nation française. Vous êtes bien sur Canal Sud 92.2. Canal Sud 92.2 Mégahertz. Je vois que les Américains s'apprêtent à accorder 25 milliards de dollars de prêts à long terme à des taux imbattables à ces trois constructeurs automobiles pour qu'ils rénovent leurs usines de plus de 20 ans. Alors le vrai doute qui m'étreint. Nicolas revient. Nique-moi haut, Nicolas. Nique-moi dans le fion. Encore. Encore, je te veux tellement. Prends-moi par le cul. Dans le vrai doute qui m'étreint. On arrive de douter. Quoi ? Ah, tu me parles ? C'est ne sommes-nous pas, nous, Européens, beaucoup trop naïf. Quand je dis que je doute, et moi je crois qu'on est trop naïf. Et je crois surtout que ça a trop duré. Cela veut dire que ça a assez duré. Et je suis pour l'amitié avec les États-Unis, je n'ai pas besoin de trop durer. Cela veut dire que ça a assez duré. Je suis pour l'amitié avec les États-Unis, je n'ai pas besoin. Je disais donc que mon fion, je l'encule, mon fion, je l'encule, j'encule mon fion. Hier, un auditeur qui disait qu'on diabolisait Nicolas Sarkozy parce qu'on ne l'avait pas encore vu à l'action, mais il me semble quand même que ce monsieur fait partie du gouvernement précédent. Ça n'existe pas. Et s'incruster aux masses. Malgré l'engagement politique par antifascisme et au milieu des années 30, Paul Parisot est l'un des dirigeants du POI, ou Parti Ouvrier Internationaliste, l'autre grand courant trotskiste sous l'occupation. Nicolas Sarkozy n'est pas pris au sérieux pour des tas de raisons que l'on voit bien. Ça, la façon dont il est décrédibilisé sur la scène nationale est encore plus grave sur la scène internationale. Il suffit de se déplacer pour se rendre compte à quel point aujourd'hui sa parole n'est pas prise au sérieux parce qu'il a dit tout et le contraire de tout. Donc je pense qu'il faut revenir à des choses sérieuses et je crois qu'il faut lancer des projets concrets. Et en particulier, l'urgence, c'est la baisse du coût de l'énergie. Aujourd'hui, il y a 60% d'impôts sur un litre d'essence. Donc il faut une décision au niveau européen pour baisser la fiscalité sur l'essence. Si on est capable de prendre des décisions rapides et concrètes qui permettent de lutter contre la vie chère, à ce moment-là, les citoyens reprendront confiance dans l'Europe. Je crois aussi qu'il faut reprendront confiance dans l'Europe. Je voudrais juste dire à ma mère, ferme ta gueule, salope. Voilà, c'est dit. Tu serais pour l'extase morbide en fait. Ah, l'extase de l'encul. C'est qu'à le dire. L'extase morbide. J'ai entendu une histoire, là, une histoire absolument pas drôle, qui parlait de quelqu'un et qui disait que la seule douche qu'il avait dû prendre, c'était quand sa mère avait perdu les os. Dans le fion ? Mais non, pas dans le fion, là. C'est pas au niveau du fion, c'est pas au niveau du vagin. Ah pardon, parce que on peut sucer du cul aussi, tu sais. Ah oui, dans la chronique comme ça, sexuelle, ouais, il y a comment, c'est quoi, c'est aux États-Unis ? Il y a un prof qui s'est fait remonter les bretelles et tout, machin, parce qu'il avait dit prononcer vagin au cours. C'est un cours d'éducation sexuelle. Vagina. Et ouais, non, mais bon. Vagina. Comprendre qui pourra, parce que c'est. Non, mais c'est là où j'ai jamais compris. Vagina. Non, je pensais au monologue, ouais, c'est ça, le monologue du vagin. Vagina. Et quand tu connais l'histoire d'où ça vient, tu meurs de rire quand même. Small teeny weeny dick. Méchant de Yonki. A little teeny weeny penis. A small penis. I have a small penis, mama. Fuck me, mama. 350 millions d'agents d'Al-Qaïda. Look at my penis. My penis is so big. It's a big penis. It's a nice and beautiful penis. Look at my penis, mama. Fuck my Ici, penis. Ici Radio Free Europe. Radio Fion, spécial nuisance. Pardon, ici nuisance, spécial Fion. Ici Radio des forces américaines à Saigon, vous parle. Barrez-vous vite, cassez-vous, c'est la guerre ici, merde. On va tous crever, putain. Ils sont partout les WC. On peut pas avoir une chiasse tranquille, se chier dessus, se vider comme ça, comme un mec normal, quoi. Il faut toujours qu'ils nous disent « Allez, vous lavez le cul !» On pourrait... je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on pourrait. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on sait? Moi, je me demandais si on pouvait mettre un peu de beat là-dedans. Vas-y, envoie de la beat, ouais. Du beat. Du fit. Du fuck, du fist. Et c'est quand même putain de bien cette musique électronique, hein, des machines. Je crois qu'on n'a pas fait mieux. On a fait pire. C'était bien ça, c'est bon vieux temps où c'était pire. J'aimais bien avant. Avant, ça a jamais été mieux. Non, c'était pire ce que je dis. C'était mieux avant. Putain, merde. Oh, l'autre, ça y est. Sa névrose le reprend. Ah, on avait oublié là parce qu'il s'est attendri un peu. Je sais pas, ça doit être les montagnes. Ah, ouais, ouais. Nuisance, c'est une émission de merde. Je ne te permets pas de dire ça, c'est ma phrase. Nuisance, c'est une émission de merde qui nous encule, tous et toutes. Dans le fion-fion. Ah ouais, là c'est de la stéréo. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Si vous avez de la stéréo, ça s'écoute en stéréo. Mais là, ça devient intéressant. Ça sert à quelque chose d'avoir deux canaux différents. Ouais, dans le canot, il y a anal. Hein. Ouais, et si vous voulez bien appeler au 05 61 53 36 95 pour lui dire de fermer sa gueule. Je pensais à ça en fait, c'est vrai que je me disais. Comme ça, j'aurais pas besoin de me le dire à moi. Les deux auditeurs là qui nous connaissaient, en fait, oui, je pensais à ça. Non, c'était pas comme qui ça, nous connaissaient, mais qui écoutaient quoi. Voilà, c'était un peu ça quoi. C'était, ça avait aucun rapport. Et peut-être qu'il y en a même pas rapport. Deux. Non, il y en a sûrement même pas un. Peut-être pas. Même pas. Peut-être une. Ou une ou un, mais même pas, peut-être personne. En tout cas, je retire tout ce que j'ai dit. Non, mais ça en plus c'est pas mal parce que ça fait un peu ça fait un peu old school hein, quand même. Il y a un truc old school, ouais. Profondeur, dénuement, ronchonnerie, rumeur, ruserie. Interrupteur. Imprimante. Ordinateur. Téléphone portable, sociabilité, racisme, antisocial, tu perds ton sang, turpitude, talisman, gris-gris, mouche, tsetse. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Héroïne. Capitalisme. Cocaïne. Nationalisme. Crack. Crack. Socialisme. Morphine. Idéologie. Racialement introverse. LSD. Dénégation de l'absolu inaccessible. Speed. Mort certaine. Et ça recommence par héroïne. Aujourd'hui, il a plu. J'ai fait du vélo. Je n'écoute pas la radio à la radio. S'arrêter d'arrêter. Interdire d'interdire d'interdire. Putain, mais... Ouais, faisait gaffe. Merde, quoi. Le sonorisateur, il sonore pas lui-même. Ah ouais, ouais, ouais, ça c'était trop fort là tout à l'heure. Personne n'a compris. C'est pas que personne n'a compris, personne n'a entendu. Le sonore, l'honneur. Jean-François est à l'honneur. Est-ce que Jean-François joue au rugby? Ou est-ce que Jean-François a accompli une prouesse? Jean-François est à l'honneur. Faisais gaffe, on arrive au musical. Alors c'est là que nous allons écouter l'opus 26, opus DI 85, B 92, C 10, 22, WA, K 47, 57, 12, 24, THC, 592, page 1, opus 22, 87, B 2, 24, 5A, KW, Bach. Bach. Oui, nous allons écouter du Bach. Parce que Johann Sebastian Bach... Le plus grand compositeur au monde, putain de merde. Quand est-ce que vous allez enfin comprendre ça, espèce de branle-mouc? Ouais, il y a quand même... Ouais, c'est ça qu'il disait, je l'ai appris il y a peu de temps. Hein. Je suis pas le genre de... C'est pas le genre de ma culture. Mais... C'est comme un silence après Mozart, c'était du Mozart. Il n'y a pas assez de notes dans Mozart, je trouve. Ça représente pas la fuite en avant non, de l'âme intransigeante versionnellement, c'est vers l'Est. Mais moi, ça c'est ce qu'a dit un pote de moi un jour, l'Ouest. C'est que comme n'importe quel rock'n'roll de merde, ça me ferait danser. Mozart, il y a un truc qui est quand même vachement presque commercial et tout, le tube de la mort, quoi. Et que c'est pas... c'est un truc, c'est vraiment tout public, ça marche à tous les coups. Et il y a comme ça un truc putassier. C'est énorme. C'est clair, c'était quelque chose. J'avoue que là... Non, le... non, c'est ce que ça me ressentit, parce qu'en fait, je n'écoute pas genre trop ce genre mais de musique. Mais je suis d'accord avec toi. Mais j'ai écouté des trucs, et c'est en fait, on dirait de la pop musique, quoi, un truc... R&B, ce serait méchant, mais... Non, de la FM, de l'excellente FM, quoi. En fait. Voilà, Mozart, c'est de la excellente FM. Il y a un truc... C'est pas mal, Mozart, j'avoue. Comme Bee Gees ou... des trucs comme ça, des... Voilà, pop. Carrément, je suis d'accord avec toi. Je trouve même que il y a vraiment des choses à dire sur Mozart. Allô? Allô? Allô, oui, arrive, arrive, arrive tout de suite. Mais quoi, t'es au bout de la rue ou quoi? Non, non, mais on s'arrête là. On s'arrête complètement. On je suis pas forcément d'accord avec bah toi, oui, tu sais. Voilà. On était parti là, mon pote. Hé hey, il m'a laissé tout seul. Vas-y, vas-y, envoie du son. Ah, merci. Ah, j'ai eu peur. Hein. Tu vas être le seul en fait, parce que. C'est... Allez-y, appelez, je sais plus le numéro. Allez-y, 05 61 53 36 95. Alors nous sommes sur Canal Sud 92.2. Vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95. Et là, en fait, je suis seul à vous parler à la radio. Sans moi, c'est difficile quand même. de pas de combler un blanc, mais ouais, combler un blanc, ça suffit de mettre la queue, mais bon. Ouais, voilà. Carrément, c'est ce que je me suis dit. Parce que combler un blanc, il suffit de mettre la queue, mais après, merci. Merci pour le son, merci pour le son. Where's the death tonight? Where will we find death tonight, finally? We want to find death tonight. We want death. Death. This is where we can find death and horror, my friends, and horror and insatisfaction, dissatisfaction, I should say. Death is in hell. Death is in the hell. L'enfer est sur terre, mes amis. Nous allons bientôt atteindre l'enfer Varna. Oh yeah, oh this is good. This is very good. Yeah, this is going on and on forever. Forever, pour toujours. Ça n'arrêtera jamais ça. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est l'enfer. On va tous crever. Tonight, nuisances will not give you a shirt to win. Nuisances will not give you a cap. Nuisances will fuck you in the asses just over and over again. It's never gonna fucking stop. You're in hell, motherfuckers. In hell, motherfuckers. Motherfuckers, you're gonna die tonight. In fact, you're already dead. Die is good. To live is bad. Vivre c'est mal. Mourir c'est bien. C'est bien mourir. Mourir ça tue. Thank you.

intransigeante écriture absconse, incohérente, inutile toile de fond, cirée, facile digression, sibylline littérature alcoolo-poétique, tact, touché terriblement tactile, toujours un échec à jouer aux dames, faire des réussites, voter pour une république vinicole, ascendant brassicole, cypressoïde, éruption, pectine comme rapine, vas-y rappeuse, tapine. Anal, anal, incorrectement politique. Dieu existe. Où l'on raconte ce qu'on y lira. J'ai tout fait. J'ai tout fait, mon désir anal, courant et perdu après une grande mort. Je vivais en ectoplasme. De plus petites fins caramélisent la petite bite du marchand de sable. C'est dire le silence et dormir. Je crie à jouir, à me régénérer. Je me sens libre parce que mortel. J'en ai fini de m'empêcher de poivrer mes rêves éveillés. Être veillant, vaillant, à me consumer, à consommer ma semence. Défunt moulinier, hétérodose, hétérodose, pimprenelle. J'ose à peine me relire. Enfin mortel. Une hivernale tonitruance me truande. Je m'emplis de longs souffles de diamants bleus. Cela rudoie le vagin d'une chèvre plombée de mystère. C'est le froid. Antwerpen est si loin. Nounours, vas-y, j'aime ces moments où des circonflexes sont le support aux choses inscrites. De qui d'âme en âme, en vers, à l'endroit, je reste fixé au revers d'une manche néoprène, d'un prophète en casquette, aux plis mis en plis de robe, froissée, lacérée, épuisée, façon, pucelle en construction. À ne rien dire, autant le clamer. Je me console le con en cassolette. Hugo dirait à la casserole, sans parler de ses champs de concentration. Ivre de pastis sur la route du retour du reviens-y, je vais, je viens, comme les pâtissiers pâtissent. Je croise le tout venant, une ramille, une ramure d'olivier qui zone là, égarée en épi d'épeautre, la baguette décorée de Noël, façon grande croix de chevalier de la Légion d'honneur. Il organise le désordre. L'anarchie, c'est l'ordre. C'est la loi du plus fort. Famille égale violence. À toute fin comblée que meurent toutes les mères, les pères aussi. Le pain moulé n'est pas en cause. Rôter ne change rien. Vibrer est violent. Vaciller sur des points discriminants développe l'enveloppement mental. Je sens la pisse quand je prends du gras. Sans prendre du gras, parfois je sens la pisse. Comme le non-être. En somme, en nous, le non-faire m'habite. C'est de moi dont je cause, de myself, dans my life, comme les blaireaux de nos jours jazz. Je navigue à vue, visibilité, dissibilité, sinon vivabilité matérielle sont les rênes des raies marines. Du cul, du rire, de la rage, des râles, de l'extrême conservation, des chats débités, des bites enchâssées, des terreaux pédés. Mon but est de politiser l'obscénité, sinon pornographier le politique. M'imaginer libérer l'esclave qui sommeille en moi par la parole qui nous transcende. Versifie sur la grosse banane rieuse du roman de la vie suante bandée à m'en foutre de la corde du passé composé et que monte cette suante jutée pour jouir à rêver de me voir humeux, humé, l'odeur coule du sang coulant. C'est succulent. Finira l'éjaculation précoce, post-pou, pré-puce. Jamais content. C'est le consensus et tout le monde suce. La précaution perce la casserole des principes des ventres pleins. Vivre tu. Tu es tu. Moi, mon blaze, témoin des arguties passées de mes ascendants, finira en batterie dans des fermes de gavage de codes gravées en de touchantes mémoires. À me décrire que le div vide ou le rien. Baptiser des morts, pourquoi pas confesser des grandes lèvres, foie de canard. Je décerne des noix, d'honneur, d'honneur, si bien que l'homonymie délie les langues habiles, labiles, déguisées d'éternel, de leur serment. Délire, je suis ravagé, mes gosses sont rôtis. Je glisse du cinquième accroché à la barre d'un monde décalé, décalant comme un pompier. Un danger extrémiste pointe. Vos sexes roses se sentent salis. Vous niez les caisses plastiques répandues tout part. Une vraie nature vous est étranger. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes les bienvenus sur cette antenne au 05 61 53 36 95 ou au www.canalsud.net où vous pouvez trouver notre site. Je voudrais vous interpréter un morceau opus 24 92 B 56 27 A page 57 numéro 12 87 A B 24 de Bach. Bach qui est donc le compositeur le meilleur au monde. Bach, c'est le meilleur. C'est le meilleur Bach. T'entends? Bach, Johann Sebastian Bach, c'est le meilleur. Nous allons passer au l'opus A87 56 12 58 moins 85 plus B 82 12 égale aldenisé moins 97 plus chromium CR 2 plus moins 2 moins C, ça fait un CA 3 plus por el culo. Pour vous ce soir, spécial dédicace sur Canal Sud. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Et puis en plus, voilà quoi, c'est le 28 mai. Enfin, le 28 avril, je veux dire, il y a un truc à la pizzeria Belfort avec l'anonyme qui projette sur un mur de la salle qui est en bas, la cave donc, des films. Voilà, normalement le 1er mai à Terre Blanque entre la route sur la D12 entre Seyss et Saint-Cyr, enfin sur la D12, Terre Blanque. 1er mai à partir de 16h jusqu'à 2-3h du matin, peut-être plus, je sais pas. Tout ne dépend que de nous. Bon, on retourne à Bach. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens. Nuisance. Nuisance. Merci de nous écouter. Vous êtes bien braves. Thank you. Thank you. Je mets mon fion dans mon cul. Je disais donc je fionte. Nous fiontons, vous fiontez, il fionte, elle fionte, on fionte, tu fiontes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hein? La tête tourne. Quoi? La tête tourne. Ah. Ah. Boudi, boudi, da. Ah. Boudi, boudi, boudi, boudi, boudi, boudi, boudi, boudi, boudi, boudi, Bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, bouddhi, Bon, d'accord, une dernière chanson et après j'arrête. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Ah, c'est bien, Boudi Bouddha. Non. Non, je viens de la chanter. Bon, d'accord, une dernière chanson sur... Putain, on comprend rien, c'est vraiment une émission de merde. Bande d'enculés, t'es qu'un foutre, je me fionte, que j'aille me faire enculer, merde. Fion, fion, anal, anal, j'hésite pas, prout. Tout au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Attends, donc pas tellement vite de charger. Ah, attendez. Tout au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Attends, donc pas tellement vite de charger parce que les poissons sont assis. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Nuisance pour vous ce soir, vous fionte. Tous ensemble, fiontons-nous les uns les autres. Le fion, mes frères et sœurs. Fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion, fion. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du bateau, du grand marin, de la lune. Ohé, du chaud du grand mât de la lune. Ohé, du bateau du grand mât de la lune. Ohé, du bateau du grand mât de la lune. Ohé, du bateau du grand mât de la lune. Ohé, du voilier du grand mât de lune. Et il y a les vétérans qui parlent sous pression, que la vie est plus ferme. Et des hommes sont défilés, des hommes sont défilés, des hommes sont défilés, ha ha ha. Ohé, du bateau, du grand mât de la lune. Ohé, du voilier, du grand mât de la lune. Et nous le pensons sur la hausse et souvent, sur la hausse et souvent, ha ha ha. Et guillemets des barçons de la crise de l'argent, de la crise de l'argent, de la rage. Ohé, du bateau, du grand mât de la lune. Ohé, du voilier, du grand mât de lune. Et c'est pourquoi bientôt, Thank you. cassé. Mets le casque. Tu l'as bien mis là ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Le son il est bizarre ? Ouais. C'est le son qui rentre dans les micros là, ça. Ah ! Ah ! Mais c'est gros un piano, tu sais. Alors c'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique pour en faire, quoi. Parce qu'il faut trouver un piano, c'est gros, hein, c'est lourd. Ça prend de la place. Alors j'ai un clavier maître, ça s'appelle. C'est un clavier pour faire comme du piano avec un ordinateur. Tu comprends ? Hein ? Je branche comme un piano sur l'ordinateur et je peux faire du piano, tu sais, des fois. Je fais ça. Mais faut le faire, quoi. Hein ? Faut le faire. Alors je le fais pas souvent. Est-ce que tu peux me passer un micro ? Bah vas-y, va le chercher. Mais j'ai la guitare au cou. Bah, la guitare ? Ah bah enlève-la. Enlève ton casque d'abord, avance. Ouais, enlève tout. Fais passer le casque à l'intérieur, voilà, comme ça. C'est pas un grand casque en fait, c'est un petit casque, c'est un grand casque, c'est pas un petit casque, celui-là. C'est le problème, je peux rien faire. Hein ? Je peux rien faire pour toi. Normalement c'est plutôt comme ça qu'il faut mettre. Excuse-moi. Pour les petites têtes, c'est plutôt comme ça. Et comme ça. Vas-y, mets-le toi, tu arriveras mieux que moi. Et tes cheveux et tout, ça galère. Et là, tu mets vers l'arrière, ouais, c'est ça. Merci. Ça tient mieux, là ? Ouais, ça tient mieux. Ouais. Ouais, faut s'y mettre, et puis c'est juste pour avoir une idée, quoi. Ben, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Monte le volume. D'accord. Je suis prête. Bon, j'ai fini, moi. C'est bon. Ça pour vous dire, pour vous rappeler encore une fois que le 28 avril à partir de 20h30 à la pizzeria Belfort vers la place Belfort, donc il y aura une projection de 4 films de l'anonyme en première partie, donc d'une rétrospective intégrale le 1er mai, la fête du travail, car l'anonyme fête son travail à Terre Blanche le 1er mai à partir de 16h, une rétrospective de 80% de son travail de la vie quoi, total, et avec du son aussi en milieu de soirée, c'est à dire vers minuit et 20h, sûrement les deux, enfin on va dire minuit pour l'instant, avec du mix noise indus, du free impro et de la débatération incantatoire. Voilà, donc tout ça pour vous dire ça quoi. Vous êtes sur Nuisance, enfin vous êtes dans Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, sur le www.canalsud.net et également au 05 61 53 36 95. Thank you. Thank you. week-end, sûrement, ouais. Ouais, je crois que tu peux faire un film de vente pour moi. Ou... Ouais, quoi, combien? Un coup de vente en fait de ça. Ouais, bien sûr, putain. Bah, que là, là, sur le cercle, putain. Mmh. Bon, c'est pas de statut comme ça, ça arrive de t'arrives là-bas à la campagne, c'est un peu. C'est un peu... C'est ça. J'ai fait ça. Je vais où, tu veux dire? Là. Ça, j'ai oublié de rendre le badge avec mon nom. Ah merde. God, what has happened? What has happened? Oh my God. Oh no, no, not that. Oh. Oh no. Thank you. lumière t'as pas fini. Thank you. fallait que je... voilà. En fait, j'ai deux missiles. Voire peut-être 3 ou 4, mais ça, c'est des bistros. Bon, quoi. Dans la bouche à Al. Ah, d'accord. Comment ça va, je vais pas rentrer. Voilà. J'ai vu que les casquettes géorgiennes, c'est pour aller. Mais ça va, quoi. C'est la chèvre. C'est la chèvre, non ? C'est grave. C'est grave ? On parle de chèvre, machin. T'imagines avoir ça sur le front ? Ça te gratte au bout de 5 minutes, tu vas crâner les chevaux! Ça te gratte et tout, c'est l'horreur! C'est l'horreur! Je voulais lui dire justement la fois. J'avais pris ça avec et je voulais vraiment faire la fin de show, enfin dans un bus, tu vois. Ouais. Et il dit, ah, t'as dû m'en faire un avec les chevaux sur la gueule. Oh, non, bon, on bouge pas! Maman! Maman! Oui? Ah non, non, non! De quoi? Bon, d'accord. C'est moi, en fait. Thank you. regarder. Ouais, c'est la gauche. Là, tu fais le top. sympa. Pas obligé de mettre.